Troisième partie. Comment dit-on? Je connais un Espagnol, il m'agace terriblement. Ah oui? Pourquoi? Il me dit sans arrêt, comment dit-on en français? Et il baragouine quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas le français? C'est précisément parce qu'il apprend le français qu'il te pose ces questions.